الأعداد الترتيبية. أول. Premier. ثان. Deuxième. ثالث. Troisième. رابع. Quatrième. خامس. Cinquième. سادس. Sixième. سابع. Septième. ثامن. Huitième. تاسع. Neuvième. عاشر. Dixième. حادي عشر. Onzième. ثاني عشر. Douzième. عشرون. Vingtième. ثلاثون. Trentième. المئة. Centième. الألف. Millième.